fait. Moi qu'on est que yo chica fait passer. Moi qu'on est sous ça, li capable. Moi qu'on est li capable. Moi qu'on est quelque chose j'en ai dédié. Moi qu'on est soleil la vie pour li coucher. Moi qu'on est l'aile en nuit t'a fait tomber. Sois aussi spontané, si petit, qu'attends, chante des coucou, y'a fait voler. Moi, qu'on est que chaque fois pour nous séparer. Moi, qu'on est la peine qu'on fait oublier. Moi, qu'on est que des fois qu'on a pendé. Sin toujours dit on fait vite. Mais qu'il y a un pile de bagaille, moi pas qu'on est. Pour dire ça, moi reconnais, ça me pas qu'on est. Pour dire ça, moi vivrai, mais moi pas qu'on est. Bon, fini, pas, moi on fait tout ça, moi pas qu'on est. Fini par voir que tout ça m'est pas connaître.